Bienvenue dans le monde de l'underground by Fred Cominatia. De la soul, du funk, du hip-hop, du new disco, de l'indie dance et surtout de la house, deep house, tech house, jusqu'à la progressive. Des présentations d'artistes et labels internationaux, mais aussi d'associations et collectifs régionaux. Tous les jeudis 17h-20h, des nouveautés et des mix live en son et image par Cominatia, mais aussi par des invités de choix du monde de l'underground. Eh bien, bonsoir tous les auditeurs de Radio Voir Méditerranée. On se retrouve encore une fois pour une édition du Son de l'Underground. C'est jeudi 17h pour 3h jusqu'à 20h. Aujourd'hui, on a un petit programme éclectique. On va commencer par mon pote Pascal DJ PLP qui va nous faire un mix house funky disco, qui va nous parler aussi d'un événement qu'il organise samedi prochain, le 22 à Fréjus. Et ensuite, on enchaînera avec un mix de 2 heures de deep raving. Donc, ça va frapper un peu plus fort. Que des nouveautés, voilà, je vous ai gâté, j'espère, ce soir. En tout cas, bien, bonsoir Pascal, et bonsoir, bienvenue dans nos studios. Alors, je crois que tu as un événement à nous parler. Tu vas organiser une soirée musicale de qualité samedi 22, il me semble. Oui, tout à fait, on va essayer du moins. Donc, j'ai fait venir quelques artistes un peu locales sur le secteur. J'ai donc pris Ambre Rap qui chante de la pop musique. Benjamin Benji, Benjamin Bojovic, qui commence aussi à sortir du lot doucement et sûrement. Et j'ai greffé un troisième artiste que j'aimais beaucoup quand il se produisait chez moi dans mon restaurant à l'époque. C'est Geoffrey Athem, un guitariste qui a vraiment un level, et croyez-moi quand je dis ça. Et derrière, je prendrai les platines pour finir, entre guillemets, en beauté. Voilà. Ça se produit donc le 22 février à la scène d'Agril. C'est à côté de Jiffy et voilà, on a fait un menu donc franco-libanais, puisque moi j'avais un établissement qui était le restaurant Le Paradis du Liban. Étant donné qu'on avait pas mal de reza encore à l'heure d'aujourd'hui, j'ai voulu encore faire plaisir aux clients. Donc là, on fait une formule à 35€ avec trois entrées, hummus, taboulet, montabal. Et derrière, j'ai fait un petit concept puisque il faut lancer des concepts. Alors, étant donné qu'on a un rodizio, c'est brésilien, donc on va présenter le rodizio façon libanaise, c'est-à-dire des grandes broches qu'on va vous ramener à table et on va vous les couper à l'épée et ils seront flambés. Et derrière, il y a un petit riz vermicelle présenté et le petit flan libanais en dessert. Et pour conclure tout ça, il y aura une petite bouteille de vin pour 4 personnes. Voilà, et je vous donne donc rendez-vous le 22 avec grand plaisir. Réservation au 04 98 13 20 29 ou au 06 23 67 42 81. C'est mon numéro. Je vous souhaite une bonne soirée. Et est-ce que tu es sur Facebook aussi pour les gens qui regardent? Oui, alors je suis sur Facebook, alors sous le nom de ma femme, c'est Nadine Le Poudère. On a gardé la page de notre établissement. Là, bon, l'événement, on va le balancer aussi sur la page, bien entendu, de la scène d'Agril. C'est un restaurant qui est spécialisé dans la viande de prestige, maturée, voilà, des viandes déception comme on dit, blonde de Galice, côte de bœuf, tomahawk, T-bone, voilà, que du plaisir. Ceux qui sont amateurs de viande, l'adresse elle y est et vous pouvez y aller. Vous n'allez pas être déçu. Donc voilà, c'était la parenthèse culinaire du Son de l'Underground, mais je crois que tu es venu faire tourner des galettes ce soir. Tu vas nous présenter un mix house funky disco, c'est ça? Oui, tout à fait. On va essayer de faire plaisir à tous les auditeurs et auditrices. Et donc voilà, ouais. Première heure, Pascal qui va envoyer ça. On va partir doucement, mais sûrement. Voilà donc la soirée du 22, vous avez noté, à la Scène d'Agril à Fréjus. Ambre Rap, Benjamin Bojovic, c'est ça? Et Geoffrey Athem. Geoffrey Athem, je l'ai vu à l'Hermae Festival il y a quelques années. C'est vraiment un guitariste hors pair. Moi, je vous conseille cette soirée. Je pense que vous serez bien reçus. Le cadre est sympa, très chaleureux, très intimiste, malgré une grande salle. Et puis là, au niveau qualité, que ce soit de chant et de musique, je pense que vous serez bien. Ambre Rap, elle est un petit peu dans la mouvance comme ma fille Moa, un petit peu les talents du coin de cet âge-là, 17-18 ans. Donc voilà, il faut aller soutenir ça. Donc on va tout de suite passer aux galettes, hein, en parlant de culinaire. Je vous envoie le petit jingle et puis c'est Pascal qui va démarrer. Je vous retrouve d'ici une heure, on va démarrer donc, et puis je vous parlerai un petit peu avant mon mix Deep Raving. Allez, on envoie.

ass from which angle? Straight up the middle, reality's a riddle. Sending a message to the old and young, confused about where I come from. What planet, what channel, what station? Africa from the Zulu nation. Africa from the Zulu nation. Africa from the Zulu nation.

Bienvenue dans le monde de l'underground by Fred Comunatia. De la soul, du funk, du hip-hop, du new disco, de l'indie dance et surtout de la house, deep house, tech house, jusqu'à la progressive. Des présentations d'artistes et labels internationaux, mais aussi d'associations et collectifs régionaux. Tous les jeudis 17h-20h, des nouveautés et des mix live en son et images par Comunatia, mais aussi par des invités de choix du monde de l'underground. Bon bah voilà quoi, j'espère que ça vous a plu. C'était DJ PLP, donc il nous a sorti un mix très frais, je trouve. Pour ces moments d'hiver, c'était bien coloré, bien fleuri. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a vachement plu, en tout cas. Je vous rappelle donc sa soirée le 22 février. Si vous avez aimé son mix, il y en aura à ce moment-là, à partir de 19h, donc soirée dîner, musique live, avec la présence donc, exceptionnelle d'Ambre Rap, Benjamin Benji, qu'on connaît, Jeffrey Atem, à la Sienda Grill, donc à côté de Jiffy à Fréjus. Soyez nombreux, Radio Méditerranée Var et Rivage Propre seront présents. Donc une soirée à 35€, vous avez quand même un dîner, trois chanteurs, guitaristes, DJ, enfin c'est quand même super en ce moment, 20 compris. Donc réservation au 06 23 67 42 81, je répète 06 23 67 42 81. En tout cas, merci Pascal pour ce mix, j'espère que tu t'es fait plaisir, et ben nous ça nous a fait plaisir. En tout cas, ben, on va continuer, ben, on va enchaîner la musique direct. Je vais vous mettre quelque chose d'un petit peu plus techno, entre autres. Ça s'appelle le Deep Raving, c'est un style que je développe. Il n'y a pas que de la techno dedans, il y a de la progressive et autres. On va partir sur un tempo un petit peu plus souple, plus lent, et on va monter tranquillement en gamme jusqu'à 20h. Donc je vous retrouve tout à l'heure. Et je vous souhaite une bonne écoute. Vous êtes bien sur Radio Méditerranée Var, dans le son de l'underground. Un son que vous ne trouvez seulement ici, grâce à l'ouverture d'esprit de notre ami Seb, qui nous laisse carte blanche sur cette Audimat de 17h à 20h. Radio Méditerranée Var, le son de l'underground. C'est parti. Kıyamet kopacak biliyorsun değil mi?

We'll be right back.

Bienvenue dans le monde de l'underground by Fred Cominatia. De la soul, du funk, du hip-hop, du new disco, de l'indie dance et surtout de la house, deep house, tech house, jusqu'à la progressive. Des présentations d'artistes et labels internationaux, mais aussi d'associations et collectifs régionaux. Tous les jeudis 17h-20h, des nouveautés et des mix live en son et images par Cominatia, mais aussi par des invités de choix du monde de l'underground. Et bien voilà, fin de cette édition du Son de l'Underground sur Radio Méditerranée Var. J'espère que vous avez apprécié cette séance de 3 heures. Vous étiez donc en compagnie de Pascal DJ PLP, mon pote, la première heure pour de la house funky disco. Après, on a décoiffé un petit peu avec du deep raving. Voilà, je vous rappelle son rendez-vous le 22 février à 19h. Ça commence une soirée dîner musique live. Vous avez donc trois artistes plus un DJ. Vous avez Ambre Rap, Benjamin Bojovic, moi j'ai l'habitude de Benjamin Mathieu mais c'est Bojovic, Geoffrey Atem, donc à l'Hacienda Grill à Fréjus, à côté de Jiffy, donc sur Tassigny. Venez nombreux, donc Radio Méditerranée et Rivage Propre seront présents à cet événement. Voilà, une soirée sympathique, 35€, un bon repas. Il vous a expliqué tout à l'heure, je ne pourrais pas faire le descriptif, mais bon, vous allez bien manger, j'en suis sûr. D'ailleurs, j'y vais là, je vous dirai semaine prochaine, mais je pense que ça va être bon. Et puis, je vous rappelle le numéro pour les réservations, 06 23 67 42 81. Je répète, 06 23 67 42 81. Et puis, regardez sur Facebook, sur le mien aussi. Je pense que Radio Var Méditerranée, de toute façon, partagera sur la page et sur le groupe. Et puis voilà, bah, il me reste à vous souhaiter une bonne soirée en compagnie de la radio, du playlist. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine dès 17h pour un autre programme. Toujours éclectique, toujours différent, on verra bien, je ne sais pas encore. En tout cas, ben, c'était un plaisir de vous recevoir dans notre émission et je vous souhaite donc une bonne soirée. À bientôt. Radio Méditerranée.